C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi, la vie comme elle va. Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. C'est Radio Arc-en-Ciel et c'est La vie comme elle va avec vous jusqu'à 18h aujourd'hui. La joyeuse équipe avec bien sûr Eliane. Salut Eliane. Salut Irène, salut les Jean-Pierre, salut tout le monde. Salut, salut. Bonjour. Toujours fidèle au poste. Donc pour vous présenter eh bien, les livres de l'actualité, plus ou moins proches, plus ou moins lointaines. Et aujourd'hui, nous aurons des invités exceptionnels, les comédiens du Bastring qui viendront nous présenter leur prochaine pièce, mais ce sera un peu plus tard dans l'émission. Nous vous présenterons aujourd'hui trois livres. Il va être beaucoup... Enfin, c'est une émission un peu sombre, oui, un peu teintée polar. Hein. Puisque le livre du jour, c'est Eliane qui l'a choisi. Et c'est un polar, une fois n'est pas coutume. Tu tueras le père, tout un programme. Ensuite, je vous présenterai le deuxième livre du jour. Il y sera question de justice avec « Se taire » de Mazarine Pinjot. Et après la présentation de la pièce « Les deux vierges », c'est Jean-Pierre qui nous présentera donc un polar, « Le fond de l'âme effraie ». Alors, pour ensuite donner tout le temps nécessaire, pardon, à nos invités qui ne devraient pas tarder à arriver, je propose à Eliane de commencer d'entrée de jeu avec le livre du jour. Alors, qu'est-ce que c'est que ah, cette... C'est affreux. Tu tueras le père, ouais, carrément. Alors, c'est un livre. Quand tu rentres dedans, tu ne peux plus rien faire d'autre que de continuer à lire. Donc, c'est un livre écrit par Sandrone d'Azieri, qui est née à Crémone en 1964. Et en 1914, avec ce roman « Tu tueras le père », il a été reconnu meilleur thriller de l'année. Uh-huh. Il connaît un grand succès mondial, on peut le dire. Et c'est le premier d'une trilogie. Il a été finaliste du prix du Le Point, du Polar Européen en 2016. Et le deuxième volet est sorti en 2017 et s'appelle « Tu tueras l'ange ». Je crois que je vais le lire dans la foulée, n'est-ce pas? Alors, le livre commence par un chapitre qui s'intitule « Avant », qui donne froid dans le dos. Un enfant est enfermé dans un silo circulaire. Et écoutez ça un peu. Tu vas encore nous raconter ce que là, il a trouvé une fissure, une petite fissure. La troisième fois, le temps d'une respiration, il a vu. Il a vu le vert, il a vu le bleu. Il a vu un nuage qui ressemblait à un cochon. Il a vu le toit rouge d'une maison. Maintenant, le garçon est en train de regarder encore, en équilibre instable sur la pointe des pieds, les mains grandes ouvertes sur le ciment froid pour ne pas tomber. Il y a quelque chose qui bouge dehors. Dans une lumière que le garçon imagine être celle de l'aube, c'est une silhouette sombre qui devient de plus en plus grande au fur et à mesure qu'elle s'approche. Tout à coup, le garçon comprend qu'il est en train de faire l'erreur la plus grave qui soit, qu'il est en train de commettre la transgression la plus impardonnable qui soit. L'homme qui marche dans la prairie, c'est le père, et il le regarde comme s'il avait deviné ses pensées. Le père presse le pas, il vient pour lui et il a un couteau à la main. Alors, dans ce silo, l'enfant est appelé la bête. Et l'homme qui le nourrit a toujours un masque sur la figure. Il le nourrit, mais quand il fait des petites bêtises, il est beaucoup, beaucoup puni. Et surtout, il ne sort jamais. Il a été enlevé, il avait 6 ans. Donc, vous voyez... ça partait mal. Voilà. Dans le temps réel, on revient dans le temps réel. Donc, le jeune homme, le petit garçon de 6 ans, n'est plus dans ce silo, puisqu'il a réussi à s'évader. Dans le temps réel, un homme en short, bredouillant, déshydraté, arrête une voiture de police. Il dit avoir perdu sa femme et son fils. Et alors, c'est là que ça commence à devenir un peu... Voilà. Les deux agents le trouvent un peu bizarre, hein, vraiment. Les agents, ils reconduisent, il s'appelle Mougeri, sur les lieux du pique-nique, parce qu'il disait qu'il était en pique-nique avec sa femme et son fils, qui s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, sa femme et son fils avaient disparu. Alors les agents l'ont reconduit sur le lieu du pique-nique, il n'y avait personne. Les autres promeneurs étaient partis, et sa voiture, qui s'appelait une Bravo, était restée toute seule sur la petite route, non loin d'une nappe couleur magenta, où se trouvaient encore des traces du déjeuner, et une figurine de Ben 10, jeune héros ayant le pouvoir de se transformer en une quantité de monstres aliens. Quand ils arrivèrent, Ben 10 aurait dû se transformer en une espèce d'énorme mouche bleue qui aurait survolé les pratonniers à la recherche des disparus. Mais non, les deux policiers n'eurent d'autre choix que de donner l'alerte et d'appeler le bureau d'enquête, lançant une des opérations de recherche les plus spectaculaires qu'il s'était déroulées dans les pratonniers ces dernières années. C'est alors que Colomba entra en scène. C'était son premier jour de travail, après une longue pause, et ça allait devenir de toute évidence l'un des pires jours de sa carrière. Vous voyez, ça commence comme ça, voilà. Donc, l'héroïne, c'est Colomba, une policière. Elle a eu une longue pause d'arrêt parce qu'elle a été... Il y a eu un désastre qui va apparaître un jour aussi dans le avant. C'est-à-dire, un jour, elle était dans un café, enfin, et puis il y a eu une énorme explosion, plein de morts et tout ça. Et elle était en plein milieu de ces choses-là. Donc, elle va rentrer en scène. Elle va connaître un travail, peut-être le pire de sa carrière. C'est son ancien patron qui vient la chercher. Il s'appelle Robert. Et il a vraiment, vraiment besoin d'elle. Elle est très perturbée, cette Colomba. De temps en temps, elle voit des ombres. Elle ne respire pas bien. Elle est très traumatisée par ce qu'elle a vécu ce jour-là. Elle accepte après bien des réticences. Sur les lieux, il trouve, accroché à une branche, une paire de baskets blancs et bleus, des chaussures d'enfant. Mais elles ne sont pas là pour poser, non. Elles ont été accrochées sur une branche, donc pas perdues par l'enfant. Et plus loin, il trouve le cadavre d'une femme, la mère, décapitée. C'est joyeux. C'est très, très. Les relations avec le procureur sont très tendues. Avec les autres policiers aussi. Colomba, elle fonctionne bien qu'avec Robert. Alors, Robert lui parle alors de l'enfant du silo. Lui seul peut l'aider dans son enquête. Alors, le chapitre d'après, c'est l'avant de Colomba. Cette fois, c'est un attentat épouvantable. Pourquoi ? Pourquoi elle a été là dans cet attentat épouvantable ? On le saura plus tard, bien plus tard. On fait la connaissance de Dante Torre. Cet homme comprend. Analyse des choses que personne ne soupçonne. Il voit tout ce que les gens ne voient pas. Et là, je vais vous lire, vous allez tout de suite comprendre que cet homme est exceptionnel, mais, il a fait une vie... J'ai seulement mis à profit mon expérience, dit-il à Colomba. D'enfants kidnappés ? Vous voyez, commissaire, pendant 11 années, les années les plus délicates dans la formation d'un être humain, j'ai vécu sans contact avec personne, hormis lors des confrontations occasionnelles avec mon ravisseur. Ni livre, ni télévision, ni radio. Quand je suis sortie, le monde était pour moi incompréhensible. Les interactions sociales m'étaient totalement étrangères, comme pourrait l'être la vie d'une fourmilière pour vous. Je suis désolée, compatit Colomba avec sincérité. Merci, mais c'est pas la peine. Pendant que j'étudiais le monde de dehors, je découvrais que j'en comprenais mieux certains mécanismes que ceux qui avaient grandi. Pour voir une chose, il faut se tenir à bonne distance. Et j'avais cette distance, même si je ne l'avais pas choisie. Et je suis capable de la retrouver aujourd'hui encore, quand il le faut. J'arrive à comprendre. Si dans les habitudes d'un disparu, quelque chose a changé, je devine ce qu'il aime et ce qu'il craint en regardant la façon dont ses affaires sont disposées. Si quelqu'un ou quelque chose a interrompu la routine de sa vie, et vous interprétez les signes émis par le corps comme vous l'avez fait avec moi, parce qu'il a tout de suite compris qu'elle avait un problème. Donc, lui, il va l'aider. Parce que les policiers disent que celui qui l'enlevait a été tué. Parce qu'il y a le fermier qui s'est suicidé. Mais lui, il dit, c'est pas lui qui m'a enlevé. Parce que moi, je l'ai vu. Et celui qui m'a enlevé, c'est le père. Et le père, il est toujours là. Et je suis sûre que c'est lui qui a fait ce truc-là. Personne ne le croit. Donc, il n'y a que Colomba et lui qui vont avancer lentement. Mais avancer, c'est très, très... C'est très dur. C'est très... Il n'y a pas vraiment de violence... pas de trucs sanguinolents et tout ça, mais bon... Hein. Alors, cet homme, donc, il est... Colomba va donc le convaincre de l'aider. Les autres policiers ne sont absolument pas d'accord. Saute revers. Et ensuite, quand il va voir les chaussures, il dit ça, c'est le père. Parce que moi aussi, quand j'étais enlevée, il avait mis 2 chaussures accrochées à un arbre. Et alors, ils vont mettre leurs déchirures profondes ensemble pour comprendre... et trouver. Mais à quel prix? Donc, lisez ce livre. Tu tueras le père. Et alors, le père, en fait, il joue avec c'est lui qui avait donc enlevé ce... Enfin, il l'a toujours appelé Dante. Le père, parce qu'il lui fallait qu'il l'appelle le père. Mm-hmm. Et lui, quand il faisait des choses mal, il l'appelait la bête. Voilà. Mm-hmm. Et cet homme, il travaille avec un avocat, et il a aidé beaucoup de familles qui, par exemple, était accusé d'avoir fait mal à un enfant et tout ça. Et lui, il comprend les choses que les autres ne voient pas. Mmh, donc, il est habitué. Et surtout, il a une sensibilité à fleur de peau. Il a très peur. Il a un appartement, c'est que des verres partout. C'est sûr, il a été enfermé pendant 8 ans dans ce silo. Et vraiment, c'est le rapport entre cette femme qui est cassée à cause d'une chose épouvantable qui lui est arrivée et lui qui a vécu ça. Et il progresse. Mais waouh. C'est psychologique, alors, plutôt. Très. C'est un thriller. Hein. C'est pas... Ben, bien sûr, les policiers vont trouver, mais oui. Mais qu'à la fin. Hein. Et puis, on est très surpris de voir qui est le père. Tu nous as vraiment donné envie. Tu nous as mis l'eau à la bouche, Eliane. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a interpellée. La dernière phrase de ce livre, il reçoit un coup de téléphone, Dante. Oui. Quelqu'un qui lui dit, j'ai écouté ton histoire, je suis ton frère. Ah, voilà. Donc c'est une ouverture sur la suite. Parce qu'en fait, il a toujours son père, qui a été accusé, qui a été emprisonné. Son vrai père, tu veux dire. Le père de Dante. Oui. Mais c'est pas si simple que ça. Mm-hmm. Parce que, est-ce que c'est vraiment son père? En fin de compte, voilà. Alors Dante dit aux policiers, il y a plein de cadavres d'enfants quelque part. Je suis sûre que dans le silo d'à côté de moi, il y avait encore un enfant. Personne ne le croit. Mm-hmm. Mais ils vont finir par en trouver, des cadavres. Et donc, tu parlais tout à l'heure d'une trilogie. Oui. Donc, le deuxième, c'est « Tu tueras l'ange », mais qui a été fait l'année dernière. Et qui n'est pas encore sorti en France. Si, je crois qu'il est sorti, là. D'accord. Hein, parce que c'est dans la série « La bête noire » de chez Lafon. Et c'est sorti en 2017. D'accord. Et après, il y en aura encore un troisième. Avec les mêmes personnages, Colomba et Dante. Donc, on n'a pas fini d'avoir peur. De frissonner. Voilà. Tu tueras le père de Sandrone d'Azieri, recommandé par Eliane. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. J'ai jamais cru avoir de telles nouvelles aussitôt. J'ai voulu grandir et pour ça il a fallu prendre le temps. Sans le nommer. L'homme m'a demandé d'approcher. Les employés de maison se tairent quelque part. On m'a ouvert la porte pourtant. Un domestique, un majordome, un jardinier. Il est seul, mais pas tout à fait. Est-ce que ces employés sont des personnes à part entière ou est-ce qu'ils font partie des meubles ? Depuis qu'il a changé de ton, je n'entends plus personne alentour. Le papier peint du mur me rappelle la chambre d'amis dans notre maison de la Drôme. Des traits céladons verticaux, le long desquels grimpe une glycine violette. Une des fleurs a l'air d'avoir sa vie propre. Elle pend en dehors de la tige, abandonnée, avec ses petites collerettes et des taches plus sombres à l'intérieur, des formes de tests de Rorschach, qui évoluent en figure. Il y a une tête d'homme, avec ses deux yeux et son nez minuscule, là, dans la fleur. Et si je criais ? Je n'ai aucune raison de crier. L'homme ne m'a rien fait. Il m'a seulement demandé de m'approcher. Il y a sur son bureau des tas d'objets qu'il pourrait vouloir me montrer. Et combien encore dans les tiroirs, hein ? Une canine qu'il aura perdue à 10 ans et qu'il garde comme un talisman. Un bijou de son arrière-grand-mère. Une pierre précieuse. Des photos. Le bureau n'est pas très propre. J'y vois des traces de poussière. La lumière tombe juste dessus. Ce n'est pas de chance. Des doigts sont passés par là, qui ont dessiné malgré eux des traits confus. J'ai lâché la fleur. Je sais qu'il ne veut rien me montrer de tout ça. J'ai l'oreille musicale. J'entends quand une voix change et qu'elle se gonfle d'autre chose. Je ne me risque pas à le nommer parce que, de tout mon corps, je refuse cette possibilité qui nous ferait passer dans une toute autre scène. C'est donc le début du livre, du dernier livre de Mazarine Pinjot, intitulé « Se taire ». Et donc, notre héroïne est une photographe, mais une photographe un peu particulière parce que elle est la fille d'un homme très connu, un chanteur engagé qui plus est, et donc elle vit dans un monde à part puisque quand on a la célébrité d'un père qui rejaillit sur soi, en plus, donc issu d'une famille riche, on voit tout de suite qu'il y a des règles à respecter, qu'il y a des coutumes et qu'on ne transgresse pas de façon facile ces règles qui ne sont pas écrites mais que tout le monde respecte. Et donc notre héroïne, elle vient faire des photos d'un homme qu'on appelle le prince. Un homme politique qui a eu le prix Nobel de la paix pour ses actions. Et donc, ce cher prince va avoir ce qu'il est coutume d'appeler un comportement inapproprié j'adore le mot. Vis-à-vis de la jeune photographe. Et elle est tellement surprise, elle est tellement choquée de ce qui lui arrive qu'elle ne dit rien. Elle est en état de sidération en quelque sorte. Et après ce qui s'est passé, elle va malgré tout faire les photos pour lesquelles elle est venue. Alors il faut savoir que le personnage, le fameux prix Nobel, c'est pour un reportage parce que sa fille vient de mourir. La fille qui a l'âge de la photographe, et donc qu'il est censé être en plein deuil. Elle fait les photos, elle s'enfuit, et ça va complètement briser sa vie. D'abord, elle décide d'arrêter les photos, elle se dit que c'est pas pour elle, qu'elle n'a pas envie de se retrouver dans ce type de situation. Au début, elle est tellement choquée qu'elle n'en parle à personne. Et puis finalement, elle finit par en parler à sa sœur, qui elle est beaucoup plus dégourdie, beaucoup plus rebelle qu'elle. Et elle va en parler aussi à sa grand-mère, et finalement la famille va être au courant. Et on va lui demander de se taire. Parce que le scandale serait pire que tout. Bien sûr. Parce que elle est jeune et ça pourrait complètement la bouleverser. Enfin, surtout bouleverser sa vie. Ben, ça a déjà commencé, donc elle ne sera pas photographe, bien qu'on ait reconnu qu'elle ait du talent et que ben, ses photos, les photos qu'elle a faites après le viol, ben, elles ont été publiées, elles sont admirées. Et donc, elle décide de faire des études d'urbanisme. Et au cours d'une soirée où étaient présentés les projets d'architectes, de jeunes architectes, elle va rencontrer un homme, Fouad. Elle va le rencontrer, il va la séduire, elle va tomber amoureuse de lui. Finalement, ils vont commencer à vivre ensemble. Mais Fouad, comme son nom l'indique, n'est pas français d'origine. Donc les parents ne l'acceptent pas forcément bien. Elle est un peu mise à l'écart de sa famille. Assez rapidement, on se rend compte que Fouad recherche à travers sa relation surtout le lien avec le chanteur connu et fortuné. Et là encore, la relation va dégénérer. Il y a une sorte de domination qui s'installe dans le couple de l'homme sur la femme. Et là encore, elle va répondre par le silence. Jusqu'à ce que, au cours d'une scène un peu plus violente que les autres, Fouad lui demande d'aller porter plainte, parce qu'elle a fini par lui expliquer pourquoi elle est toujours sur la brèche, et il va lui demander d'aller porter plainte. Il n'y arrivera pas. Elle est allée au commissariat, elle a réussi à parler de ce qui lui est arrivé, mais l'inspecteur qui la reçoit, on lui dit non, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne vous rendez pas compte. C'est un homme très connu. Ça va être un scandale épouvantable. Vous ne pouvez pas porter plainte. Et donc, il lui suggère de faire une main courante. Ah. Pour que, si jamais un jour, elle veut vraiment porter plainte, une fois qu'elle aura bien réfléchi, peut-être qu'elle aura un peu plus avancé dans la vie, elle pourra revenir sur cet épisode. C'est ce qu'elle finit par accepter. Et puis arrive le phénomène MeToo. Là, la parole des femmes se libère. Beaucoup de femmes dénoncent des pratiques bizarres. Voilà, des agissements qu'elles ont eu à subir et qui sont répréhensibles. Et c'est une période, où la presse va être très avide d'avoir ce genre de scoop. Et donc, des journalistes sont allés consulter les mains courantes en se disant, ben, ça se trouve, on va glaner des trucs. On va trouver du fort. Et je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Et là, à nouveau, scandale, bouleversement, etc. Alors, je n'avais jamais lu de livre de Mazarine Pinjot. C'est le premier qui il m'avait été conseillé. Elle décrit assez bien la psychologie d'une femme qui est sous emprise. Sous emprise de son milieu, sous emprise de sa famille, sous emprise de son homme, de son père d'abord, ensuite de l'homme avec qui elle partage sa vie. Et donc, on voit comment il y a une sorte de répétition des mêmes situations. Il y a une répétition, oui, ça se répète. Elle est toujours dans l'incapacité de dire non. Très clairement, cette femme devrait apprendre à dire non. Bon, on peut penser que bon, elle était jeune, c'est difficile de réagir quand on se retrouve en face d'un homme impressionnant, avec une réputation incroyable, prix Nobel de la paix. Mais par la suite, en grandissant, elle aurait dû apprendre. Et je vous laisse sur votre fin concernant ce qu'elle justement ce qui va se passer en fin de compte après le moment où le scandale va éclater. Et le scandale va éclater. Oui. Pardon. Oui, c'est plus joli. Hein, c'était mal ta propos. Il y avait peut-être besoin d'un thé. Hein, pour... Il va éclater. Et il va éclater à un moment où elle est mère de famille. Ah. Elle a eu entre-temps un fils et ça va pas aider. Ça change un peu la donne. Mais d'un point de vue analyse psychologique, j'ai trouvé que c'était assez bien vu, même si on a envie de la secouer. Et de lui dire, allez ma grande, bouge-toi, hein. Il y a un moment où il faut quand même prendre position. Oui, c'est vraiment intéressant. Alors je vous recommande la lecture de ce livre, « Se taire » de Mazarine Pinjon. Good morning, mama, you know I'm going down this big road by myself. To go to the place of the damned. Ain't got no tears, no things to blame. The only time I trusted in someone, baby, was a shame. So good morning, mama, take me down to hell now. Good morning, sister, don't you worry about that snake that screams your name. Feeling sorry for ourselves, one is the pain. I felt so weird not seeing your glance, and all I gotta do with someone like you start my dance. Good morning, mama, take me down to hell now. Take me down to hell now. Good morning, devils, you're not so bad that someone worse than you. Don't mean no devils, but men won't fight for what they can prove. I'm glad of being here, I have broke my chains, and suddenly a constant statement seems to feed my veins. Good morning, mama, take me down to hell now. Take me down to hell now. Take me down to hell. Attendez une minute. Vous soupçonnez qui? Aucun d'entre eux. Tous. L'énigme restera entière. C'est monstrueux. Côté polar. Vous trouvez pas que le fond de l'air est frais? Non, en fait, c'est le fond de l'âme est frais. Et c'est Jean-Pierre qui va nous en parler. Un roman que tout le monde critique. Ah. Je suis allé voir sur Internet. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Ça peut être que bien. Il faut le lire. Et j'ai décidé de le défendre, considérer que je suis commis d'office, enfin bon. Alors une pensée déjà très, très profonde. Un con qui marche va toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Oh tiens. J'aime ça, c'est sobre, c'est direct. Il y a là-dedans une pincée d'arrogance envers les arrogants qui pensent sans jamais agir. Alors n'allez pas rechercher les commentaires aigris, je vous l'ai dit, de tous ceux à qui il faut des effets spéciaux pour qu'ils prennent leur pied. Ne vous occupez pas de la critique, faites-moi confiance. Hein. Bien sûr, le commandant Bigard est plus proche du commissariat sordide que de la talentueuse superwoman qui plonge dans les jambes de l'assaillant. Bien sûr que moi aussi j'ai trouvé la solution vers la fin du livre. Entre nous, la trouver après, ça serait pas une preuve de perspicacité détonnante. Hein. Bidard a la cinquantaine. À cet âge-là, on court moins vite. Les emmerdes vous filent des insomnies. Les grands ados vous ennuient. Votre chef est parfois un sacré con, même si au fond c'est un bon bougre. Votre jeune adjoint, sans doute moins inexpérimenté qu'il y paraît, vous agace avec son insouciance, normale pour son âge. Quand on est venu sonner à sa porte à 3h du matin pour lui annoncer qu'un mort commençait son éternité au bout de la rue, Bidard s'est levé, bien sûr, mais ses muscles criaient encore plus fort que les détracteurs du roman. Marianne, son épouse, en a marre de ce mari courant d'air. Quand celui-ci arrive au bout de la rue, deux types des pompes funèbres venaient d'arriver. Ils se dirigeaient à leur tour vers la Mercedes. L'un d'eux, qui voulait faire de l'humour, se pencha vers le cadavre. « Bonsoir monsieur, vous avez demandé un taxi pour la rue Stanislas Girardin ?»« Écarte-toi, abruti !» lui lança un fonctionnaire de l'identité. « On attend le procureur et le légiste. Tu feras tes plaisanteries plus tard. » Le légiste ne vient pas, annonça l'officier de la PJ. Il ira directement à l'Institut médico-légal après son bol de cornflakes. Pourtant, tout avait bien commencé pour Louis, la victime. Marie-Blanche lui a donné rendez-vous devant un bar de la place Cauchoise. On est à Rouen. Je vous narre. La connaissait-il déjà? Était-elle la femme ou la maîtresse d'un ami ou d'un collaborateur en mal de promotion? Qu'importe. Marie-Blanche lui avait donné rendez-vous mardi soir à 10h devant un bar de la place Cauchoise. Elle portait une grande cape de laine sur une jolie robe champêtre, le genre Laura Ashley et sans doute rien dessous, si ce n'est qu'une petite culotte que Louis rêvait déjà d'enlever. Elle l'embrassa furtivement sur la bouche mais s'écarta dès qu'il voulut l'enlacer. « Je suis venue pour ça, » dit-elle en le regardant dans le fond des yeux, « mais pas seulement pour ça. C'est notre première soirée, je voudrais que nous en conservions un bon souvenir. Vous savez ce que j'aimerais? Que nous allions marcher un peu au bord de la mer. Vous vous rendez compte, nous sommes à la mi-octobre et on dirait que c'est encore l'été. Vous m'emmenez à Dieppe? Après, on ira chez vous. » En revenant de Dieppe, Marie-Blanche lui demande de prendre ce petit chemin qui entre dans ce petit bois isolé. Elle avait remis sa petite culotte. Je sais pas, moi, si elle en avait elle une. Elle ne déjà. L'avait pas encore. Elle lui promet monts et merveilles. Louis est aux anges. Il ne se doute pas qu'il va bientôt les retrouver, les anges. Quand on retrouve le corps de Louis dans sa Mercedes, dans la rue de Bidard, le commandant, le spectacle est très étonnant. Pour le moins, il est attaché sur son siège au moyen d'une corde rouge et blanche avec des nœuds de diamants. Ah. Il est bâillonné, c'est vidé de son sang à partir de coupures au poignet faites avec un cutter. Tiens, vous qui snobez le roman, allez défaire des nœuds de diamants. même sans le sang qui coule de vos poignets. Un petit morceau de voile de mariée est accroché au cadavre, comme vous le faites à votre antenne de voiture quand vous allez à la noce et que vous klaxonnez bêtement dans le cortège rigolard. Bidard est le second mari de Marianne. Elle était restauratrice avec son premier époux. Et Bidard venait souvent manger dans le restaurant. Alice, la fille de Marianne, est une chieuse. Eu égard au caractère plutôt touchant de la chieuse, je dirais que c'est une chiante. Faut pas confondre les deux. Quand Vincenot va être retrouvé à son tour ligoté, bâillonné, les poignets entaillés, un petit morceau de voile de mariée en guise de signature, le commandant Bidard va sombrer dans de noires pensées. Cette enquête le trouble et l'hésite, suppute. Avec les tueurs en série, l'inconvénient, c'est le nombre de morts. Que la hiérarchie n'apprécie pas, mais l'avantage, c'est qu'ils deviennent de plus en plus confiants et finissent toujours par faire une connerie. Déjà qu'on lui a refilé l'enquête parce que le SRPJ était débordé. Tous les morts de cette ténébreuse affaire conduisent, guident les policiers vers une histoire de projet immobilier véreux, un pléonasme, disent les mauvaises langues. Un moulin et son domaine qui auraient fait un si joli golf, un maire député, un agent immobilier, un avocat, tous ces gens qui par ailleurs aiment bien les soirées animées par quelques créatures, aussi peu farouche qu'habillée. Et le bief de ce joli moulin, d'où le corps tombé jadis malencontreusement, fit la première victime de l'affaire. Si la police savait lire au fond de l'âme des protagonistes, bien des affaires non élucidées se seraient résolues rapidement. Le fond de l'âme recèle bien des secrets, hein, commandant Bidard. Malgré votre peu de popularité, vous avez valu à votre auteur, Guy d'Anglois, le prix du Quai des Orfèvres. Ah, quand même. Bien sûr, c'était il y a 2001, mais vous connaissez mon penchant pour les vieilles choses. Le fond de l'âme effraie, c'est donc le livre de Guy d'Anglois, le polar de Guy d'Anglois, que tu nous conseilles, mais tu vas nous lire une... Non ? Oh. Et redis comment c'est comment s'écrit, effraie. Effraie, le fond de l'âme, effraie. C'est effrayé. Effrayé. Oui, voilà. Effrayé, hein. Oui. Mm-hmm. Mais quand tu le dis... Non, je n'ai pas de choses particulières à lire. Je ne voudrais pas non plus faire un loupé en lisant... Je ne voudrais pas vous dévoiler. Je vous laisse trouver tout seul. Donc, prix du Quai des Orfèvres en 2001, oui, généralement, hein. le prix du Quai des Orfèvres, c'est des choses qui sont très plausibles. Hein. Mm-hmm. Ben oui, parce que c'est souvent écrit par d'anciens flics. Oui, puis c'est surtout flics un jury de gens issus de la police. Moi, je trouve ça, franchement, une corde avec des diamants. Moi, je trouve ça... Des nœuds de diamants. Des nœuds de diamants. Le nœud de diamant, c'est un nœud très solide. Ah, oui, mais d'accord. Il n'y a pas de diamants. Ah, zut, quand même. Parce que je me dis, avec le voile de mariée et tout... Ça. Mais retenez que ce sont des nœuds de diamants. Oui, je vais retenir. Comme les noces du même nom. Oh là. Le fond de l'air est frais, Guy d'Anglois, recommandé par Jean-Pierre. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Quand la nuit tombe, que tout devient ombre, retombe la poussière de toutes les guerres. Alors le vent se lève, dépose sur toutes les lèvres une larme du ciel, un goût de sel. Toute la beauté du monde s'éteint en une seconde sous une pluie de bombes. Malgré toutes les prières, se lance d'être en guerre. la nuit tombe, quand tout devient sombre, une vie sans lumière, une vie d'enfer. Et la marée se lève, dépose sur la grève un enfant qui dort, petit trésor. Toute la beauté du monde, c'est en une seconde, sous une pluie de bombes. Qu'importe le nombre, c'est payé trop cher, beaucoup trop cher. Et les drapeaux se lèvent, les foules se soulèvent, remuent la poussière des dernières. La vie comme elle va. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Alors, pour notre plus grand plaisir, nous accueillons maintenant deux comédiennes du Bastringue, Francine et Ghislaine. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et vous allez nous parler donc de la nouvelle pièce interprétée par le Bastringue et qui s'intitule « Les deux vierges ». Donc là, on se pose des questions, on se demande de quoi il s'agit. Ah, alors là, il s'agit d'une pièce mystère. Non, en fait, c'est l'histoire d'un grand industriel qui a un fils qui est amoureux de la fille de son contremaître. Uh-huh. Et donc, dans ce milieu-là, c'est pas très bien vu. On mélange pas, voilà, les deux mondes. Et ce fils, comme son père est très superstitieux, a l'idée d'inventer une histoire de jumeaux des as, parce qu'il se trouve que ce PDG et son contremaître sont nés le même jour, à la même heure, faut pas exagérer, mais le même jour. Donc il invente... La même année aussi. La même année, voilà. Oui. Il invente une superstition comme quoi ils sont jumeaux des as, tout ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. Donc ce PDG va prendre soin de son contremaître au point de l'emmener dans des histoires un peu farfelues. Ça finira bien, mais il va y avoir plein de... C'est petits... une comédie. Voilà, c'est une comédie, il va y avoir plein de petits quiproquos. Donc en fait, les vierges dont il est question, c'est le signe astral voilà. De la vierge voilà. et non pas ce que l'on aurait pu croire. Et oui, et ça c'est bien. C'est bien parce que ceux qui pensent que c'est autre chose, eh ben c'est tant pis pour eux. Voilà. En tout cas, c'est pas nous, hein, Francine. Pas du tout. Quoique. Non, parce que ça, c'est la femme du contremaître, la Francine. Voilà. Et puis Ghislaine, c'est la secrétaire particulière du grand PDG. Voilà. Oui. Pas facile. Hein. Non, pas facile. Pas facile. Non. Ah bah, les PDG, c'est comme ça. Hein. C'est oh là pas là. Facile. Il est compliqué. Et donc ils vont nous lire un extrait, tu vas voir. Un extrait de la pièce. Mmh. Mmh. À vous la parole. Alors. Oh, Madame Famopoulos, quelle bonne surprise! Entrez, hein, et asseyez-vous. Alors, comment allez-vous? Très mal, je vous remercie. Mais quelque chose qui ne va pas? Quelque chose qui ne passe pas. Mon beau-frère est-il là? Je vous demande pardon. Monsieur Vignon, puisqu'il paraît qu'il est le frère de mon mari. Ah non, son frère astral, très exactement. Oh, monsieur Vignon sera ravi de vous rencontrer. Ça m'étonnerait. Depuis qu'il a rencontré son frère, enfin je veux dire votre mari, oh, monsieur Vignon est transformé. Achille aussi. Mais ça reste un secret, hein, entre nous. Rassurez-vous, ça ne sortira pas de la famille. Oh, vous êtes très drôle, très drôle. C'est pas fini. Attendez la suite. Ça monte, ça boue, ça bouillonne. Et le jumeau, il est là lui aussi. Monsieur Achille, ah oui, oui, oui, il est en pleine forme. Ah bon? Parce que depuis 8 jours, il rentre sous tous les soirs. Hier, il a pris Oscar pour le paillasson, il s'est essuyé les pieds dessus. Il a poussé un hurlement. Monsieur Achille? Bah non, Oscar, mon basset. Je l'ai fichu à la porte hier. Et où a-t-il passé la nuit? Bah dans sa niche, comme d'habitude. Non mais je vous parle de monsieur Achille. Oh bah j'en sais rien, et puis ça m'est égal, hein. Avec l'argent qu'il gagne maintenant, ça ne m'étonnerait pas qu'il aille voir une fille. Oh, madame Famopoulos, qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce qui peut bien vous faire penser une chose comme ça? Entre femmes, enfin je peux bien vous le dire. Il y a belle lurette qu'Achille ne me fait plus passer le mur du son. Enfin, ça marche encore, un peu, mais alors depuis quelque temps, rien, rideau. Monsieur Achille a peut-être subi une influence astrale qui le prive momentanément de ses moyens. Alors, une influence, sûrement. Mais croyez-moi, le ciel n'a rien à voir là-dedans. Ah, détrompez-vous. Les astres guident notre destinée. Par exemple, vous, de quel signe êtes-vous? Capricorne. Ah, ça c'est excellent. Son symbolisme est celui d'une nature renfermée, mais réfléchie, hein. Et puis patiente et persévérante. Dites-moi, je suis pas venue ici pour que vous me fassiez mon horoscope. Allez me chercher, monsieur Vignon. J'y vais. Je vais lui annoncer qu'il est demandé par sa belle-sœur des astres. Un désastre, oui, c'est bien le mot qui convient. Un désastre. Bon, bah écoutez, je vais chercher monsieur Vignon. Servez-vous un verre en attendant. Ah bah non, alors parce que ça m'a servi, ça fait l'effet que ça m'a fait la dernière fois. Ah non. Et voilà. Donc c'était un extrait de Les Deux Vierges, une pièce de Jean-Jacques Bricker et de Maurice Lassègue, qui sera présentée par les comédiens du Bastringue le jeudi 24, le vendredi 25 et le samedi 26 octobre. Venez surtout le samedi, il y aura de la place. Vous savez, comme c'est en plein dans les vacances de la Toussaint, on a un petit peu moins de gens qui sont venus chercher leurs billets. Alors venez rigoler, surtout samedi. Hein? Justement, quand est-ce que l'on peut aller prendre ses billets? Alors, et où cela se passe-t-il? Il y a déjà eu 2 journées, samedi dernier et cet après-midi, à la passerelle, dans le hall de la passerelle, et il y aura encore samedi prochain, de 13h30 à 15h30. Vous pourrez venir, nous vous accueillerons avec le sourire pour vous vendre des billets pour cette pièce rigolote. Sur place, le jeudi. Oui, absolument. Et samedi, parce qu'il y aura encore des places. Même le vendredi, il y aura encore des places. Donc, n'hésitez pas à venir voir les deux vierges, je précise, astrales. Je vous ferai votre signe après, votre thème astral. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Comme d'habitude, quelques petits conseils pour sortir, parce que lire c'est bien, mais on peut aussi de temps en temps choisir de sortir. Samedi 19 octobre à 15h à la passerelle, vous pourrez emmener vos enfants voir qui a croqué ma pomme. C'est un spectacle qui est donné par la compagnie La Sensible. Ce même samedi, à la Tête Noire, mais à 17h, il y aura un spectacle, un conte écrit par Marguerite Duras, et c'est d'ailleurs son seul texte pour les enfants. Et ça s'appelle Ah, oh, Ernesto. Samedi prochain, donc vous avez aussi jeudi, vendredi et samedi de la semaine prochaine, les spectacles, le spectacle du Bastringue. Mais samedi 26 octobre prochain, de 10h à 13h, vous pourrez aller assister à un des ateliers du numérique de la bibliothèque, de l'excellente bibliothèque Les Jacobins. Et le thème en sera le Raspberry et Linux. Donc si vous voulez tout savoir sur comment installer Linux sur votre Raspberry, eh bien c'est l'association Reboot qui vous l'expliquera à l'excellente bibliothèque. C'est quoi comme langue ça? C'est du numérique. Voilà, si tu veux savoir, tu vas à la bibliothèque Les Jacobins le samedi 26 de 10h à 13h. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous donner les musiques que nous avons entendues aujourd'hui, avant que l'on se quitte? Eh bien, écoute, alors on a eu du jazz avec un bel Italien, Raphaël Gualazzi. On a eu le tout dernier album, un extrait du tout dernier album. Il n'est pas encore sorti, il sortira le 15 novembre, des Glossy Sisters. C'était absolument fabuleux. On reviendra dans les semaines à venir avec de nouveaux extraits. Vous verrez, c'est vraiment bien. Et puis, on a eu une belle chanteuse québécoise qui s'appelle Sanda Lecouteur, qui nous a fait une très très belle chanson, Quand la nuit tombe. Voilà, et puis là, le petit jazz, eh bien, c'est Choukou Balzès. Voilà. Merci Jean-Pierre. Moi, surtout te voir en mime, c'est extraordinaire. Parce que j'ai pas le son là aujourd'hui. Mais alors tu articules bien, je te félicite Jean-Pierre. Ah merci. Et c'est une connaisseuse, hein, c'est une dame de théâtre qui dit ça. Donc, nous vous souhaitons une excellente semaine, de très bonnes lectures et d'agréables spectacles. Il nous reste à passer le relais à Violette pour traditionnel. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye.